vie. Je m'alimente pas la verre, parano je regarde par ma vie, tu es cuit. AMG pied plancher, quand je compare d'amour, Hakarbe je revis. Elle me rappelle pour me dire mon bébé. Quand je la rafale, elle crie des mayday. Hier les gouttes, aujourd'hui élevées. Elle est trop douce, je peux plus la nexter. Elle me rappelle pour me dire mon bébé. Quand je la rafale, elle crie des mayday. Hier les gouttes, aujourd'hui élevées. Elle est trop douce, je peux plus la nexter. Pay, pay, pay. C'est pas mon day, day, day, day. Pay, pay, pay. C'est pas mon day, day. Calé dans le bloc, je coupe mes love et je me dis que la rue ça rapporte. Bébé ne parle pas de mon chiffre. À l'époque tu m'aurais foutu à la porte. Et que tu pars, pars, pars. Je suis dans mon bas de bas de bas. Ça frappe comme des me barbares. Sans pas de taille, taille, taille. Pay, pay, pay.